بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في المسألة السادسة عشر بعد المئة 116 مسألة في قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون dans le sens où Allah dit il ne m'est seulement révélé que votre divinité n'est qu'une seule divinité alors est-ce que vous lui êtes soumis même est-ce que vous lui êtes soumis verset 108 surat al-anbiya فقال المؤلف رحمه الله تعالى عبر في هذه الايه الكريمه باللفظ انما وهي تدل على الحصر عند الجمهور وعليه فهي تدل على حصر الوحي في توحيد الالوهيه Donc ce verset, Allah Azza wa Jal a employé le terme innama, qui est un terme de restriction, de limite, qu'on traduirait par seulement. Par exemple, tu dis innama zayd fil bayt, tu dis qu'il n'y a que zayd qui est dans la maison. Cela, c'est le sens de innama dans, chez la plupart des ulama. Donc cela veut dire quoi? Que Allah n'aura révélé à Muhammad seulement, la seule chose qu'il aura révélé, c'est le tawhid al-uluhiyya. C'est tout. Qu'il ne lui a rien révélé d'autre. قال وقد جاءت آية أخرى تدل على أنه أوحي إليه غير ذلك كقوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن et pourtant d'autres versets sont venus démontrer que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu une révélation sur d'autres choses que l'uluhiyya d'autres choses lui ont été révélées comme par exemple dans le sens où Allah dit qu'il m'a été révélé qu'un groupe de djinn ont écouté ma parole c'est-à-dire le Coran Sourate al-Jin, verset 1. وَقَوْلِهِ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُحِيهَا إِلَيْكِ Cela fait partie des choses de l'invisible que nous te révélons. Sourate Hud, verset 49. وَقَوْلِهِ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ Et nous te citons aujourd'hui les meilleures histoires parmi ceux que nous t'avons révélé. Sourate Yusuf, verset 3. Donc là, d'autres versets sont venus montrer que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu une révélation plus large que Tawhid al-Uluhiyya. قال والجواب أن حصر الوحي في التوحيد الألوهية حصر له في أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع لأن شرائع كل الأنبياء داخلة في الضمان لا إله إلا الله. Donc il dit tout simplement que cela a été limité à lui. Le fait de dire qu'il n'a reçu que Tawhid al-Uluhiyya Tout simplement que cela, c'est le fondement principal, la base de tout, à laquelle reviennent toutes les branches dans la religion. Et que toutes les législations des autres Anbiya rentrent dans le sens de La ilaha illallah. D'accord ? Donc tout cela revient à un même point, de La ilaha illallah. لَنَّ مَعْنَهَا خَلْعُوا كُلَّ الْأَنْدَادِ سَوَى اللَّهِ فِي جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ وَيَفْرَضُ اللَّهِ بِجَمِيعَ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ فَيَدْخُلُوا فِي ذَلِكَ جَمِيعُ الأوامر والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية. Car son sens de la ilaha illallah, c'est le fait d'enlever tout égal à Allah Azza wa Jal. Et que toutes les formes d'adoration ne reviennent que à Allah Azza wa Jal. Et que toute forme d'adoration ne revient que à lui. Et cela rentre dedans, qu'est-ce qui rentre dans ces adorations? Toute interdiction et tout ordre. Qui concerne les paroles, que ce soit les actes ou les croyances. D'accord? Donc tout cela rentre dans quoi? Dans des choses que Allah Azza wa Jal a inspirées à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça revient à quoi? À la ilaha illallah, qui revient à lui-même à quoi? Au fait que Allah Azza wa Jal est une seule divinité, c'est-à-dire qui mérite d'être adoré. Donc il n'y a pas de contradiction. Que ce que Allah a révélé à son prophète, qui est une seule divinité, toutes les autres choses sont comprises là-dedans, en fait. C'est un kalam am qui lui-même après a été renforcé par la suite, un détail par la suite. نعم هذا هو الجواب من هذه الآية والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين